La délégation des députés issus de différents partis italiens, guidée par Antonio Razzi, secrétaire général de la commission diplomatique du Sénat, a visité le 28 août le palais du Soleil de Kumsusan pour formuler leur hommage au président Kim Il-sung et au général Kim Jong-il.